Je ne bosse pas aujourd'hui, pourtant je me suis levé. Déjà les premiers bruits d'un Paris agité. Je m'installe en terrasse et je commande un café. J'observe les gens qui passent sur l'avenue Parmentier. Dans ce coin de quartier, ça naît à 1000 à l'heure. Les pas battent le pavé au milieu des moteurs. À l'intérieur du café, les voix des clients se mélangent. Conversation brouillée, la rythmique est étrange. Je sors mon petit cahier, en quête d'inspiration. Les notes viennent à manquer sur cette grande partition. Mon stylo immobile attend le bon moment pour qu'au creux de cette ville, je saisisse l'instant. Silencieux spectateur du monde qu'est le mien, je mets mes écouteurs et d'un coup une valse me parvient. Paris change de tempo, c'est la valse du béton. Ces trois temps dans mon cerveau font vibrer mon stylo. Alors je décide, rien qu'une seconde, de fermer un peu les yeux. Je m'évade de ce monde, loin d'être mélodieux. La musique fait taire toute la dissonance urbaine et elle fait naître bien au contraire la fragilité humaine. Je me laisse imprégner, percer par ce rythme en trois temps. Mon souffle est plus léger et tout mon corps se détend. Je sens naître au fond de moi une certaine sensibilité déjà. Depuis bien trop longtemps, je l'avais mise de côté. Quand je rouvre les yeux, c'est toute l'ambiance qui a changé. C'est pourtant le même lieu, Paris, sur l'avenue Parmentier. Je n'ai pas changé de place, je suis toujours assis dans le même café. Mais ces Parisiens qui passent sont pas les mêmes que dans le précédent couplet. De la scène qui se joue s'envole comme une poésie. Les gens semblent tout à coup marcher au ralenti. Chaque mouvement est plus léger, délicat et naturel. Je me laisse alors charmer par ce langage corporel. Deux passants se retiennent quelques secondes du regard et ils s'en vont comme ils viennent, laissant là leur petite histoire. Ici un battement de paupières et là un sourire qui se dessine. Bref, des détails éphémères qui rayonnent et puis déclinent. Ils planent comme une tristesse au-dessus de tous ces gens qui aimeraient qu'on les aime enfin, mais sans le dire évidemment. J'ai envie de retenir ces passants esselés, leur parler et leur dire enfin tout ce qu'on pourrait partager. Je les laisse partir et m'échapper du regard. Eux qui se laissent saisir et peindre un peu pour cette histoire. Je les contemple tellement que j'en ai cessé d'écrire. Je les aime ces gens qu'ils me plaît à décrire. Une heure passe déjà et je dois déjà m'en aller. Et ouais, la valse ralentit parce que je ferme et range mon petit cahier. J'enlève bien malgré moi mes écouteurs et la musique s'étiole. Le bruit de la rue brise la lenteur et toute cette poésie s'envole.